cours numéro 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. On a fini dans le dars précédent al-mujmal wa al-mubayyan. Et bi'idhni Allah azza wa jalla, on fera la révision la semaine prochaine. Et vu qu'il reste encore un peu de temps avant notre dars en arabe, en langue arabe, là, on lit ensemble هذا الباب et il est سهل. قال رحمه الله الظاهر والمؤول بفتح الواو. وهذا الباب كذلك il est مهم. Et comme on a cité dans le chapitre précédent, أهل البدع كثير منهم ils avaient de la عناية بأصول الفقه وبالقواعد وبالمصطلح. Et كثير من هؤلاء هذا العلم qu'ils ont appris, que ce soit fil usul ou autre min ulum al-ala, ils l'ont utilisé pour propager leurs égarements. فلهذا هذا الباب الظاهر والمؤول, et ça sera sur التأويل, le fait de interpréter les textes. فكثير من أهل البدع ils se sont égarés, que ce soit في باب الصفات ou في غيره. والإمام أحمد رحمة الله عليه قال أكثر ما يخطي الناس من جهة التأويل والقياس. La plupart des erreurs, c'est par rapport ou ça vient de ces deux babs, التأويل والقياس. القياس سيأتي معنا إن شاء الله تعالى dans ce livre. Et le fait de faire rentrer ou de comparer un hukm avec un autre, il faut un délil. مثلاً, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu permis cette chose, ou il a interdit cette chose. Est-ce qu'on peut dire qu'une autre chose qui n'est pas citée dans les textes, est-ce qu'on peut dire que c'est le même hukm, c'est le même jugement? C'est ça le qiyas. Et bien sûr, il y a des conditions. Ils ont fait du qiyas alors qu'il n'y a pas de qiyas. Et بعضهم, ils se sont égarés, كذلك, ils ont rejeté complètement le qiyas. فالقول الوسط, c'est le qiyas, c'est مشروع, لكن avec des quyoud et des dawabit qu'on verra ensemble, inshallah, dans ce livre. Ou al-ta'wil, na'am. Si tu prends l'exemple de al-mu'tazila ou al-ash'a'ira, al-mu'attila, ils se sont égarés bisabab al-ta'wil. Ba'dhum, ça les a poussés complètement au ta'til, iyadam billah. Et hada, on l'a étudié, wallahi alhamd, ensemble dans nos durus de aqidah. Donc, hada al-bab, il est muhim. Al-insan yattaqillah. يتق الله وسيأتي معنا أن التأويل ça doit être fait avec les textes. أما بعض الناس le texte est واضح, un verset du Coran ou un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, et il l'explique avec l'explication d'un autre. فالله سبحانه وتعالى il a révélé هذه الآية, ou le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit une parole ou il a fait une chose, eux, ils l'interprètent à leur façon. Et ça, c'est un bab azim d'égarement. C'est pour ça que l'insan, le texte, s'il est clair, il est clair. Et si le texte, il est expliqué, ou il a besoin d'une explication, enfin, on regarde les textes. Et on regarde kalam ahl al-ilm, al-rasikhin, al-kibar. Amma, kul wahid, il interprète comme il veut, il prend ce qu'il veut, il rejette comme il veut. C'est exactement ce qu'on vit l'âme. Toutes ces fitan, iyadam billah. Hatta al-zanadiqa, yatakallamoun fi dinillah azza wa jal, bila wara'a. Et ils interprètent ce qu'ils veulent. Là, ce verset, en fait, l'explication, c'est kada, c'est valable pour kada, c'est pas valable. Et iyadam billah, tala'ub. Amma al-sunni, il donne de l'importance au texte et il étudie hadha al-bab pour savoir comment faire ta'wil, qui c'est qui fait ta'wil, sous quelles conditions. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعريف الظاهر الظاهر لغة الواضح البين الواضح البين ça c'est الظاهر ça ressemble à ما تقدم المفصل المبين أي لواضح بنفسه il n'a pas besoin d'autre chose فالظاهر c'est الواضح البين il l'a mis هنا le mot بين ça vient du mot مبين ça se ressemble هنا. Et كذلك on peut préciser هنا أن من معاني الظاهر العلو هذا لغة هذا تقدم معنا في دروس العقيدة الظاهر الباطن فمن معاني الظاهر أي العلو quelque chose de عالي فمن أسماء الله عز وجل الظاهر أي أنه il est au-dessus سبحانه وتعالى هذا من حيث اللغة et ce qui nous intéresse نحن هنا c'est l'istilah قال واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل donc الظاهر في الاصطلاح ما دل على نفسه على معنى راجح مع احتمال غيره هذا في الحقيقة ça fait une différence avec avec كما سيأتي avec النص الصريح avec ce qu'on a vu auparavant المبين المفصل الظاهر ما دل على نفسه على معنى راجح مع احتمال غيره أي c'est pour ça que vous entendez souvent العلماء يقولون الظاهر الظاهر c'est كذا أي il y a un ihtimal que ça soit autre chose لكن le plus proche c'est que c'est telle chose c'est ça الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح et quand tu as راجح tu as forcément المرجوح الراجح مثلا tu as une مسألة العلماء يقولون الراجح c'est كذا 90% c'est كذا المرجوح c'est les 10% qui restent الصواب c'est الراجح المرجوح c'est le قول qu'ils n'ont pas pris qui n'ont pas accepté. هذا قال ما دل على نفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. C'est pour ça que dans ces textes tu trouveras beaucoup de khilaf بين أهل العلم. أي un ihtimal, il y a une possibilité que الصواب que la vie le plus juste c'est autre. فتأمل هذا المثال. قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل قال في الحاشية هذا لفظ أحمد وهو عند أبي داود إلى آخره قال وهو في مسلم كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث جابر رضي الله عنه أي في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمة الله عليه لكن نطخ الصحابي لأن الشيخ مقبل صنف الصحيح المسند أو الترتيب كلا في الجامع الصحيح رحمة الله عليه Sa condition, c'est que le hadith ne soit pas dans Bukhari ou Muslim. Et le hadith, هنا, il est « عند مسلم » لكن من hadith « جابر ». Donc l'imam مقبل الوادعي رحمة الله عليه dans son livre « صحيح المسند » ou « الجامع الصحيح » il ne pouvait pas citer ce hadith. لكن il a trouvé le même hadith « عن البراء » رضي الله عنه. Donc il l'a cité. Ce n'est pas le même hadith. C'est le même lafd, لكن hadith « البراء » et hadith « جابر » c'est deux hadiths avec deux compagnons différents. C'est pour ça que tu le trouves في الجامع الصحيح المهم الحديث إلى في صحيح مسلم إلى صحيح توضأ من لحوم الإبل أي celui qui mange de la viande de chameau il doit refaire l'eau في الحقيقة celui qui n'a pas étudié هذه المسألة اللفظ إلى واضح tu fais l'eau si tu as mangé de la viande de chameau لكن يا خلاف كبير بين أهل العلم pourquoi لأن قوله توضأ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة التي على الصفة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة ça c'est الظاهر أي القول الأقرب le plus proche يعني احتمال que ça soit autre et c'est ça الظاهر ça serait un nas صريح tu n'aurais pas de khilaf لكن هنا توضأوا وبعض العلماء ils ont compris ماذا Ils ont compris min qawlihi tawadda'u ay an-nadhafa. Ay, vous vous lavez pas al-wudu' al-shar'i que tu fais pour faire la salat. Là, huma ils ont compris huna at-tawadda'u ay an-nadhafa, ay tu te laves. Tu as mangé de la viande de chameau, tu te laves les mains. Lianna tes mains ils ont touché la viande de chameau. Ça veut pas dire que tu fais l'wudu. Ay l'wudu qui est décrit fi sourate al-Ma'idah et dans d'autres textes, d'autres hadiths. قال الشيخ ابن عثيمين dans son شرح رحمة الله عليه وقلنا إن هذا هو الظاهر لأنه لأنه المتبادر من لسان الشرع فالوضوء له حقيقة شرعية فإذا قال فالوضوء له حقيقة شرعية فإذا تكلم بها الشارع حمل عليها. هذا كلام جميل وهذا تقدم معنا أن الألفاظ لها حقائق. Quand tu entends un mot, si ce mot il est cité par rapport au شرع, tu comprends ce mot avec le شرع. فقوله توضأ شيخ ابن عثيمين قال أن الأقرب الظاهر c'est que النبي صلى الله عليه وسلم أراد الوضوء أي الوضوء que tu fais pour الصلاة. هذا سنقول. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن لو أتى أحد الناس ومعه vous avez le كلام في الكتاب نعم c'est quoi la كلمة أنا لا pas واضحة ومعه عمال نعم عمال قال لو أتى أحد الناس ومعه عمال يعملون بالطين قال هيا توضأوا. أتأملوا هذا المثال. واحد il a des employés et il travaille à notre époque maintenant la peinture ou حتى dans certains endroits ils font encore بالطين des maisons en طين avec de terre. Et تعلمون أن ceux qui travaillent avec هذا ils ont les pieds sales, les mains sales. لماذا؟ لأنهم ils manipulent la terre, la boue. فلو قال واحد en langue arabe, ça se dit ce mot. Quand ils ont fini, ils leur emmènent de l'eau, ils leur disent توضأوا. هنا سبي معنى تنظفوا. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire l'eau d'eau. لا, ça veut dire lavez-vous. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين قيل فإن قوله هذا يحمل على أن المراد غسل اليدين للوضوء الشرعي. في هذا الحال on aurait dit أن le fait de dire توضأوا ça veut dire lavez-vous les mains أي nettoyez-vous de la boue. لماذا؟ لأن الحقيقة هنا سبب الحقيقة الشرعية. لكن quand النبي صلى الله عليه وسلم il l'a dit العلماء اختلفوا. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme خلاف dans cette مسألة. بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام اللي مؤيد بالوحي فقوله التوضأ quand il a employé le mot وضوء c'est الحقيقة الشرعية il a voulu le wudu il a voulu le wudu c'est pour ça que كثير من العلماء disent celui qui mange la viande de chameau il a annulé son wudu il doit refaire les ablutions. هذا قول. القول الثاني بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال التوضأ من لحوم الإبل. لماذا؟ لأن لحوم الإبل la viande de chameau فيها وفيها وفيها donc il leur a montré qu'il faut les se laver pas le wudu الشرعي لا le fait de se laver les mains la bouche إلى آخره. Et ça c'est un قول. نعم والله أعلم. Donc شيخ ابن عثيمين l'a choisi comme قول الحقيقة الشرعية أي الوضوء الشرعي. Et c'est ça الأقرب. C'est pour ça qu'il l'a cité في الظاهر لأن il y a un احتمال c'est possible que l'wudu en langue arabe, c'est cité pour autre que les ablutions qu'on connaît. Là, c'est cité pour le fait de se nettoyer. Donc, il y a un ihtimal. Al-Rajih, pour Cheikh ibn Uthaymeen, c'est le fait de faire l'eau comme pour la salat. Al-Marjouh, c'est le fait de ne pas faire l'eau se laver. C'est pour ça qu'il y a un énorme khilab et il y a ahl al-ilm fi hadhihi al-mas'ala. Vous avez compris? Pourquoi il a cité fi al-zahir? لأن التوضأ الظاهر c'est que tu dois faire l'eau. هذا. قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. Ça c'est la différence entre al-zahir ou al-mujmal. Al-mujmal ما دل على نفسه أو ما دل بنفسه على معنى. لكن c'est pas clair. Il y a un احتمال. أما المجمل فأصلا لا يدل بنفسه على معنى. Il a besoin de ماذا المجمل؟ البيان. نعم il a besoin d'un تفصيل d'un بيان. أحسنت. قال وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. نعم هذا سيأتي معنا في المؤول. قال وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما النص صريح واضح فلا شك أنه لا يحتمل غيره. مثلا تولي أدلة في الوضوء pour الصلاة تولي أدلة للوضوء pour الصلاة لا أحد سيقول لا الوضوء هنا مجرد نظافات tu te laves ce que tu veux. Là, c'est al-wudu al-shar'i que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré. Falihada, tu ne trouves pas de khilaf bayna al-ulama. Wa hadidillah, c'est pas al-wudu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Celui qui veut faire salat, faqat il se lave comme il veut, il se lave les mains, la bouche et yakfi. Là, la bud min wudu. Ay al-wudu al-shar'i. Baqiya al-amal bil-dhahir. Ta'ammalu huna. D'habitude, rahmatullah alayhi, il cite al-dhahir. Ou plutôt dans les autres abouab, il cite le premier mot, il l'explique. Thumma il cite le deuxième mot, il l'explique. Thumma il cite l'amal. Huna là, il a cité le premier al-dhahir. Al-dhahir il a amal. Thumma il a cité le mouawol, il l'explique. Le mouawol il a amal. Qala al-amalu bil-dhahir. Al-amal bil-dhahir wajibun. Illa bidalil. Yusrifuhu an dhahirihi. Lianna hadhihi tariqatu salaf. ولأنه أحوط وأبرى للذمة وأقوى في التعبد والإنقياد. Donc, quand on a un nas, ou plutôt on a un texte ظاهر, الأصل c'est de l'appliquer. C'est de l'appliquer. لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين, parce que c'est طريق السلف. Et on a étudié ensemble l'égarement de الأشاعرة مثلا, quand ils ont délaissé طريقه السلف في باب الصفات. Et au lieu de comprendre les sifat ala zahiriha, Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains, Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi sifat ar-rahma wal ghadab wal dhahik, etc. Les textes qu'on a, hum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé que al-zahir c'était pas le murad, et l'apparence du texte c'est pas ce qui est voulu pour eux, et ils ont fait du ta'wil. Ils ont dit ar-rahma c'est kada, le visage c'est kada, les mains c'est la force, ila akhir. Il harafu. Amma nahnu, tant que les salafs ils ont pris al-zahir, on prend al-zahir. Et là, chaque navi a fait al-sifat, fa madhhab al-salaf c'est imrar al-sifat ala zahiriha. Et al-ma'na il est mafhoum en langue arabe. Fa Allah il a des mains, c'est des vraies mains. Lian Allah subhanahu wa ta'ala il a dit des mains, bal yada. Et là, chaque année, Allah, il ne ressemble pas à la créature. Laysa ka mitlihi shay. Donc, al-dhahir, c'est qu'Allah, il a des vraies mains, et c'est le haq. C'est min aqidat al-salaf. Et on n'a pas besoin de faire d'interprétation. Les mains, là, ils ont interprété, ils ont fait du ta'wil. Les années, ils ont délaissé la voix des salafs. Ils ont pensé que al-dhahir, dhahir al-nas, c'était pas le haq. Mais ils ont pensé que c'était une ressemblance aux créatures, comme on a détaillé. Kadhalik qawluhu, rahmatullah alayhi. ولأنه أحوط وأبرى للذمة. Et ça c'est muhim dans notre din. Quand tu as un texte, l'asl c'est que tu l'appliques. Amma at-ta'wilat al-ba'ida ou al-rukhas, tel sheikh il a dit. En fait, ça va affaiblir din al-shakhs. Vous avez remarqué que بعض الناس, la méthode qu'ils ont عند الخلاف, c'est pas de rechercher le haq. كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Ils n'ont pas « هذا المبدأ ». « عند الخلاف » Tu choisis ce que tu veux. Ce qui t'arrange. « هذا » Ce n'est pas « أحوط » Ce n'est pas « أبرى للذمة » C'est du « دين » On fait attention. Quand il y a un « خلاف » ou on a un « قول » « ظاهر » « راجح » « راجح » On l'applique. On applique. C'est « أبرى للذمة » Et tu trouveras des savants de l'islam. Et bien sûr, « هذا الباب كغيره » On doit revenir aux savants de la sunna. قال واقوى في التعبد والانقياد هذا اقوى للتعبد في التعبد والانقياد فلا يجوز ترك العمل بالظاهر sauf si on a un dalil qui montre c'est quoi le murad et c'est ça le muawwal. قال رحمه الله تعريف المؤول. المؤول لغه هو الاول من الاول وهو الرجوع. ربما vous connaissez le mot ala ala هذا الشيء ala هذا الشيء et رجع هذا هو قوله الأول. Ne pas lire الأول. الأول c'est le premier. Là, هنا c'est بالتخفيف. الأول أي c'est من ala ala الشيء أي عاد رجع. قال واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. قال فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. نعم لأن الظاهر سي الراجح النص إلي واضح n'y a pas besoin de quelque chose pour l'expliquer, pour le détailler. قال أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة هذا قال وأما الظاهر فإنه محمول على المعنى الراجح contrairement au مرجوح قال والتأويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود هذا التأويل منه مقبول c'est le تأويل qui est fondé sur les textes أي c'est بمعنى التفسير الشرح البيان ça va expliquer et minhu fasid mardud un ta'wil qui est pas fondé sur les textes bel qui est fondé sur les passions ou l'ignorance hada il est rejeté qala rahimahullah fa as-sahih ay at-ta'wil as-sahih ma dalla alayhi dalil sahih ka ta'wil qawlihi ta'ala was'al al-qaryata ila ma'na was'al أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها قوله واسأل القرية أي دموند على قرية لا قرية سي لو فيلاج فلا شك أن المراد هنا سي أهل القرية سي لي جون كي هابيتو فيلاج وإلا فتو با دوموندي أن فيلاج أو ميزون أو روت أو زارب تو با لور دوموندي فالمراد هنا سي أهل القرية أون أفي فيو هذه المسألة في أن أوتخ درس دو عقيدة سور المجاز الحقيقة والمجاز هذا سواضح on peut rajouter un مثال للتوضيح قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهر الآية on va appliquer la règle الظاهر والمؤول ظاهر الآية فإذا قرأت القرآن si tu lis le Coran فاستعذ بالله tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي après avoir lu le Coran ظاهر الآية c'est que tu lis le Coran ensuite tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فا هنا c'est للترتيب لكن لا شك أن العلماء ils ont démontré بفعل النبي صلى الله عليه وسلم et كذلك منهج الصحابة رضي الله عنهم العمل اللي على هذا jusqu'à aujourd'hui عند المسلمين والله الحمد أن تدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم avant de lire le Coran. فالظاهر هنا il a été détaillé, expliqué par un تأويل. أي المراد بالآية فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. فأول هنا ils ont fait du تأويل. C'est un تأويل صحيح. C'est un تأويل صحيح. أي si tu veux réciter le Coran فاستعذ بالله. فهنا نعم المعنى إلي واضح هذا سيمثال ربما إلي plus clair que le مثال qu'on a في الكتاب هذا سيالتأويل الصحيح vous avez remarqué que التأويل هنا إلي بدليل on ne fait pas le تأويل qu'on veut c'est pour ça que أهل البدع ils ont ouvert un باب خطير جدا vous avez remarqué الآن que كثير من الناس ils autorisent ils interdisent des choses avec des تأويلات tu trouves des hadiths واضحة des adillas des من القرآن très clair on vit une époque là ils sont arrivés à un niveau حتى l'homosexualité والله أن بعض المنحرفين ils disent qu'il n'y a pas de nas que c'est interdit قبل أيام on a lu un كلام un fasiq un chanteur لكن il s'est converti à l'islam et ils lui ont demandé sur le hijab et بكل وقاحة وسفاهة قال لا il n'y a pas de dalil في القرآن sur le hijab Il n'y a pas de délire sur le Coran qui dit qu'il faut se couvrir les cheveux. Il a un kalam farig. Limala li anna un bab il a été ouvert à des souvaha, des juhal. Tu trouves un chanteur. Il s'est converti. Alhamdulillah, s'il s'est converti, c'est qu'il a du khair. Lakin, il se convertit à l'islam et de chanteur, il devient mufti. Et vu qu'il connaît rien de hadhihi al-usul, vu que haoula, ils n'ont pas pris le temps après leur tawba de délaisser leur haram thumma de apprendre leur din et ils ont confondu la célébrité quand ils étaient chanteurs et al-manzila dans le din il peut être chanteur il était connu l'akhiré et s'il se convertit ça devient muslim c'est un awam min al-muslimin bel kathir min al-muslimin wa illa al-hamd ils sont afdal min ils n'ont jamais fait ce péché ils font plus d'efforts dans l'ilm dans beaucoup de choses donc normalement il y a tawada lakin vu qu'il était connu Quand il rentre vers l'islam, il reste connu. Il pense qu'il est connu et ça devient un mardi. فهذا السفيه قال هذا. قال لا يا أوكن دليل كان تغذي على موسيقى لحجاب أي دي شوز كلير يجمع العلماء دي تكست كلير عنده لا لماذا الهوى لأن التوبة الصحيحة يدود لسي سكي دفي سكي فزي عفون وفي كلا un ضعف on dit pas que sa tawba elle pas accepté ابدا لكن vu que certains ils ont des faiblesses فقالوا او يقولون هذه الاقوال pour se rassurer et بعضهم ils emploient cette méthode في الدعوه في الدعوه quand ils font دعوه à quelqu'un مثلا si c'est une femme si elle rentre dans l'islam ils lui disent là le hijab il y a un khilaf c'est pas obligatoire la musique il y a un khilaf عياذا بالله ils ont pas ces usul c'est usul tu reviens au texte et à ta'wil, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le fait. Si un nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait voulu autoriser certains instruments de musique ou que la femme elle ne se couvre pas telle partie, un nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous l'aurait montré. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit toutes les musiques. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à la femme de se couvrir le corps. Celui qui dit telle partie, la bud min dalil. العلماء اختلفوا لما هي الوزاج c'est connu. أما on arrive à une époque الآن حتى عيادا بالله les cheveux. Et بعضهم ça va plus loin. Sallallahu alayhi wa sallam. قال والفاسد أي التأويل الفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى والصواب أن معناها العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل وهذا تقدم معنا كثيرا في باب العقيدة. Dans nos دروس العقيدة on a détaillé هذا كثيرا إن شاء الله on continuera dans nos durous. هذا c'est un ta'wil batil. الرحمن على العرش استوى. تأمل الله سبحانه وتعالى قال استوى. هم ils ont dit le sens c'est استولى. Et هذا c'est grave. اولا qui c'est qui a dit que le sens c'était استولى? Est-ce qu'il y a un autre verset? لا. Tu trouveras tous les versets c'est بالاستواء, لفظ الاستواء. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a déjà expliqué staoula par staoula? Là. Est-ce que les sahaba ils ont compris istawa bima'na staoula? Là. D'où ça vient? Ça vient, c'est un égarement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a jamais dit hada. Allah subhanahu wa ta'ala il a jamais dit staoula à la place de staoula. Ça montre que c'est de l'égarement. Avec toutes les ma'ani batila que ça implique. Il y a une staoula, ça vient de al-ghalaba. Ça vient de l'ghalaba. Ça veut dire qawluhu azza wa jalla ar-rahman wa ala al-arsh istawa ay bima'na istawa ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a réussi à prendre le arsh alors qu'il l'avait perdu c'est ça ma'na istawa istawa bishrun ala al-iraqi yastadillun bi hadha al-bayt ça veut dire quoi ça veut dire que hadha bishr il a réussi à conquérir l'Irak alors qu'il l'avait perdu ay quelqu'un avait pris l'Irak c'était devenu le gouverneur d'Irak et Bishr il a réussi à la reconquérir. Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Malik, c'est Al-Aziz, c'est Al-Jabbar, il possède tout. Qu'est-ce qu'il veut attribuer hadha al-wasf istawla ila Allah azza wa jalla? C'est très très grave. Qawluhu was-sawab anna ma'naha al-ulu. Na'am, min ma'ani al-istiwa al-ulu. Ay anna Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus du 'arsh. Wa al-istiqrar hadha fihi khilaf bayna ahli al-'ilm. Al-Imam al-Dhahabi والإمام الألباني عليهما رحمة الله أنكروا هذا التفسير بعض العلماء يزعمون أن الاستقرار سبا من معاني الاستواء وهذا إن شاء الله تعالى vous le verrez في دروس العقيدة من غير التكييف ولا تمثيل c'est مذهب السلف فالله سبحانه وتعالى استوى on sait pas comment on sait qu'il est au-dessus de son trône أما الكيف فالله أعلم به ولا تمثيل et هذا لا يجوز ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى لا pas besoin du arsh c'est le arsh qui a besoin d'Allah سبحانه وتعالى enfin ne pas faire la comparaison avec les créatures et في الحقيقة هذا التمثيل c'est la cause qui a poussé هؤلاء à faire هذا التأويل الفاسد ces mauvaises explications qu'ils ont fait l'aqida c'est à cause du التمثيل ils ont cru que ça faisait ressembler à Allah عز وجل enfin ils se sont sentis obligés d'interpréter d'expliquer et tout ça c'est من الضلال فالله سبحانه وتعالى il ressemble pas à ces créatures. Le même tambih qu'on a fait pour Al-Mujmal ou Al-Mufassal, أنه لا يجوز تأويل كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير دليل. وإلا سوف يكون باب عظيم d'égarement. واحد يبقى dire الله سبحانه وتعالى il a interdit l'alcool, il va faire un تأويل. L'alcool, al-murad, l'explication c'est telle chose, telle chose. Et il autorise les gens à boire de l'alcool. هكذا on a donné l'exemple du hijab, هكذا la musique, et جميع الأشياء. فاحذروا من أهل البدع والضلال. Même s'ils ont étudié al-usul, ils utilisent ces outils pour propager al-shar et pour s'élever eux. بعضهم pour gagner de l'argent, بعضهم pour la notoriété. أما المؤمن السني qui veut le haq, il apprend هذا pour comprendre دين الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم. Réviser ces deux bab al-mujmal ou al-mufassal ou al-mubayyan et al-zahir ou al-mu'awwal. Et notre prochain cours, inshallah, on fera la révision ensemble. Naktafi bihada wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlihi wa an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Walhamdulillahi rabbil alameen.